Chapitre 39. L'ascension du Mont Blanc, les glaciers, effet de la rareté de l'air dans les hautes montagnes. Un savant courageux, de Saussure. C'est l'amour de la science et le courage des savants qui ont fait faire de nos jours tant de progrès à l'humanité. Lorsqu'on remonta en voiture, Julien était encore tout ému. Il ne cessait de regarder du côté du Mont Blanc pour revoir ces neiges éternelles dont on lui avait parlé. « Est-ce que nous allons passer par la Savoie, monsieur Gertal ?» demanda-t-il. « Point du tout, mon ami. Une fois notre marché fait, dans la petite ville de Gex, nous tournerons le dos à la Savoie. »« C'est grand dommage, » fit l'enfant. « Ce doit être bien beau à voir un pays pareil. Y êtes-vous allé, monsieur Gertal ?»« Oui, petit Julien, plusieurs fois. »« Est-ce que vous êtes monté au Mont-Blanc ?»« Oh, pour cela, non, mon ami. C'est plus difficile à faire que tu ne l'imagines, l'ascension du Mont-Blanc. »« Pourquoi donc, monsieur Gertal ?»« D'abord, il faut marcher 2 journées. » Toujours en montant, comme bien tu penses, et la marche n'est pas facile. Ces hautes montagnes ont sur leurs flancs de vastes champs de glace et de neige durcie qu'on appelle glaciers. L'un des glaciers, qui sont au pied du Mont Blanc, a 2 lieues de large sur 6 lieues de long. C'est une vaste mer de glace, tantôt unie comme un miroir, tantôt bouleversée comme les flots de la mer dans la tempête. Quand on marche sur ces glaciers, aux pentes rapides, il faut des souliers ferrés exprès pour ne pas glisser. Des bâtons ferrés pour se retenir. On arrive souvent devant des murs de glace qui barrent le chemin. Alors il faut creuser à coups de hache dans la glace une sorte d'escalier, où l'on puisse poser le pied. Puis il y a des crevasses plus profondes que des puits. La neige glacée les recouvre, mais si on s'aventure par mégarde sur cette neige trop peu épaisse, elle craque, se brise, et on tombe au fond du gouffre. J'ai entendu dire, fit André, que l'on s'attachait avec une même corde plusieurs ensembles, de façon que si l'un tombe, les autres le retiennent. « Est-ce vrai, monsieur Gertal ?»« Certainement, » répondit le patron. « C'est ce que j'allais raconter. » Mais quelquefois, la chute de l'un entraîne les autres. Puis on est exposé aux avalanches qui se détachent du haut de la montagne et peuvent vous engloutir. En outre, le froid devient tel, à mesure qu'on s'élève, qu'il faut s'envelopper le visage d'un masque en gaz pour que la peau ne se fendille pas jusqu'au sang. Enfin, la difficulté de respirer sur ces hauteurs est si grande qu'on peut à peine se traîner. Des hommes très robustes ne peuvent marcher plus de 25 pas sans s'arrêter pour se reposer et respirer. « C'est étonnant cela, » dit Julien. « Moi, je trouve l'air si pur sur les hauteurs qu'il me semble qu'on y respire mieux. »« Oui, » dit le patron, « quand on n'est pas trop haut. Mais à mesure qu'on s'élève, l'air devient plus rare. L'air vous manque. André doit savoir cela. »« Oui, monsieur, j'ai même appris à l'école, si on pouvait s'élever à 15 lieues au-dessus de la terre, il n'y aurait plus d'air du tout, et on ne pourrait respirer ni vivre. » Eh bien, sur le sommet du Mont Blanc, il y a déjà 2 fois moins d'air que dans la plaine. Aussi est-on obligé de respirer 2 fois plus vite pour avoir sa quantité d'air. Alors le cœur se met à battre aussi moitié plus vite, on a la fièvre. On sent ses forces s'en aller, on est pris d'une soif ardente, et en même temps d'un invincible besoin de dormir. Et le tout au milieu d'un froid rigoureux. Si l'on se laisse aller à dormir, c'est fini, le froid vous engourdit, et on meurt sans pouvoir se réveiller. « Oh, oh !» dit Julien. Je comprends qu'il n'y ait pas grand monde à se risquer jusque-là. Mais qui donc a jamais osé monter le premier au Mont-Blanc? C'est un hardi montagnard nommé Joseph Balmat. Il y est allé seul une première fois. Puis il a aidé un grand savant nommé De Saussure à y monter. C'est De Saussure qui a observé au sommet du mont ce que je vous disais tout à l'heure sur la rareté de l'air. Il a fait bien d'autres expériences. Par exemple, il a allumé du feu. Mais son feu avait la plus grande peine à brûler, à cause du manque d'air. Il a déchargé un pistolet, mais ce pistolet ne fit pas plus de bruit qu'un simple pétard de confiseur, car c'est l'ébranlement de l'air qui produit le son, et là où il y a moins d'air, tout son devient plus faible. De Saussure fut bien surpris aussi de voir du haut du mont le ciel presque noir, et d'apercevoir des étoiles en plein jour. Cette couleur sombre du ciel est produite encore par la rareté de l'air, car c'est l'air qui, quand il est en grande masse, donne au ciel sa belle couleur bleue. Toutes ces expériences, et bien d'autres encore, ont été très utiles pour le progrès de la science. Mais à combien de dangers il a fallu s'exposer d'abord pour les faire? Tu vois, petit Julien, comme l'amour de la science est une belle chose, puisqu'il donne le courage de risquer sa vie pour s'instruire et pour instruire les autres. Ascension du Mont Blanc et passage des glaciers. Il y a des montagnes tellement hautes ou difficiles à gravir que nul pied humain n'est jamais parvenu jusqu'au sommet. Le Mont Blanc est resté de ce nombre jusqu'au siècle dernier. Maintenant que les chemins sont très connus, il faut encore 17 heures pour y monter et 8 pour en descendre.